l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Sandrine Bélier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste de l'environnement, vous avez été députée européenne de 2009 à 2014 et actuellement vous êtes directrice de l'ONG Humanité et Biodiversité, c'est bien ça? C'est tout à fait exact. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est cette association Humanité et Biodiversité? Alors, Humanité et Biodiversité, c'est une association qui a plus de 40 ans, qui a été créée par Théodore Monod, présidée pendant un moment par Hubert Reeves, qui est aujourd'hui notre président d'honneur. Et depuis 3 ans, c'est Bernard Chevassieu-Louis, qui est ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle, qui préside cette association. Alors, c'est une association, comme son nom l'indique, qui a pour principal objet de faire le lien entre la nature et l'humain. Et nous avons différents modes d'action, notamment le plaidoyer. Nous sommes une association de plaidoyer, donc qui agit au niveau des parlementaires, dans la discussion des lois, l'élaboration des décrets auprès des institutions publiques, des collectivités, communes, régions, auprès des ministres. Et si aujourd'hui on veut résoudre la question du dérèglement climatique et plus particulièrement de la lutte de l'érosion de la biodiversité, ça suppose de changer nos modèles économiques, nos modèles agricoles, de production alimentaire, nos politiques de santé publique. Et donc on agit dans tous ces domaines, donc santé et biodiversité, aménagement du territoire et biodiversité. Et on a commencé à travailler sur les questions d'économie et de modèle agricole et biodiversité. Et puis le deuxième volet, c'est embarquer et amener les citoyens à pouvoir agir, eux aussi, au quotidien, et notamment par le biais de la création d'oasis nature, qui sont des espaces, ça peut être sur un balcon, votre jardin, ou si vous avez un espace un peu plus grand, où vous vous engagez à garder la nature et la laisser évoluer sans pesticides, sans chasseurs, sans toutes les atteintes aujourd'hui qui sont les causes de cette perte de la biodiversité. On va rappeler quand même pourquoi elle est indispensable, cette biodiversité, selon vous. Je vous disais, d'une part, nous faisons partie de la biodiversité et nous dépendons totalement. Enfin, on l'oublie, on a perdu le lien, mais 40% de l'économie mondiale dépend de la biodiversité, alors qu'en 50 ans, on a perdu 60% des services écosystémiques. Et puis ensuite, tout ce qu'on mange et biodiversité, ça vient du sol. On s'habille avec de la biodiversité, le coton, hein, c'est aussi une part de la nature. On alimente les voitures. Hein. Donc l'ensemble de notre vie repose sur la biodiversité et culturellement aussi, en termes de bien-être mental et psychologique. Quel plus grand bonheur que de pouvoir sortir de la ville et profiter d'espaces naturels comme la montagne, la campagne, le littoral. C'est partie intégrante de nos vies au quotidien. Alors, je pense que ça commence quand même un peu à évoluer, mais c'est vrai qu'on sort d'une période, et notamment les années 60, où on pensait que la modernité, tout reposait sur des solutions technologiques. Mais on voit bien aussi toutes les limites. Oui, est-ce qu'on peut produire du blé, du maïs, sans pollinisateurs, sans les oiseaux, sans toute cette nature? On peut le faire, mais un temps. On l'a vu, c'est le développement des organismes génétiquement modifiés, c'est l'utilisation intensive de pesticides, mais tout ça a des effets. Et ça, on le mesure maintenant de plus en plus, la santé dans nos assiettes. Hein. La réduction de la biodiversité, c'est aussi en termes de santé. Aujourd'hui, vous voyez, on parle beaucoup de la maladie de Lyme. Il y a toujours eu des tiques, sauf qu'avant, il y avait plus de renards, il y avait plus de mammifères et que tout ça s'autorégulait. Donc, on va le découvrir au fur et à mesure, et je pense qu'on le voit déjà. Et c'est tous ces enjeux que suppose cette bataille de lutter contre la perte de la biodiversité. On voit quand même des choses arriver, c'est-à-dire des volontés politiques de pilotage de la biodiversité. Quel est votre regard sur ce pilotage de la biodiversité? Il faut de la volonté politique et se fixer des objectifs, parce que les choses se font pas naturellement, parce que c'est difficile de changer ses habitudes, c'est difficile de revenir sur des trajectoires qu'on pensait être justes, c'est difficile de reconnaître qu'on a eu tort. C'est pour ça que je compte beaucoup sur la nouvelle génération, tous ces militants du quotidien sur le terrain qui lancent des start-up, qui lancent des modèles alternatifs, les paysans bio, et qui accompagnent et qui montrent que le changement est possible. Mais il y a un moment, il faut que toutes ces initiatives individuelles ou collectives de terrain, elles fassent système. Et pour qu'elles fassent système, il faut qu'il y ait un accompagnement politique et il faut que ça rentre dans une logique plus globale, assumé politiquement. Et ces stratégies et ces plans d'action, tels que le plan d'action biodiversité tel qu'il a été annoncé avant l'été, moi, à mon avis, sont là pour accélérer cette transition écologique qui a déjà lieu dans un certain nombre de territoires. Mais moi, cette histoire de pilotage me pose question dans la mesure, est-ce qu'on laisse une part au sauvage encore ? Est-ce que justement, en s'intéressant à cette question du pilotage de la biodiversité, on ne s'érige pas encore une fois de plus en démiurge qui va gérer les choses ? C'est cette notion-là de gérer la nature au lieu de lui laisser sa capacité à construire sa résilience par elle-même. C'est-à-dire la renvoyer à son rôle utilitariste pour l'homme. Oui, mais là, une fois encore, alors, Humanité et Biodiversité a organisé l'année dernière un colloque à la Sorbonne avec des philosophes, avec des sociologues, avec des anthropologues sur cette fameuse question quelles éthiques, d'ailleurs au pluriel, des relations homme et nature. Oui, on a un rapport utilitariste à la nature, on a perdu un peu le sens de la contemplation, on a perdu... et ne serait-ce que sur cette question de l'homme dominateur, de cette difficulté qu'on a de cohabitation avec des espèces sauvages avec lesquelles on a pu partager nos territoires à une époque, comme les grands prédateurs, le loup, l'ours, le lynx. Donc tout ça pose question, mais là vous me lancez sur un sujet et un débat. Vous savez, on a passé, c'était 2 jours de colloque à la Sorbonne qui ont fait l'objet d'une publication, hein, si ça intéresse vos auditeurs, qui n'hésitent pas à nous demander cette publication, on leur enverra avec plaisir. Malheureusement, je vous dirais aujourd'hui, même moi je suis tombée dans ce tropisme-là, d'aborder la question des instruments de lutte contre la perte de la biodiversité et pour essayer de sensibiliser un maximum de décideurs, et quand je parle des décideurs, c'est public ou privé, de parler beaucoup d'économie. De leur réexpliquer que notre modèle économique n'était pas viable, qu'on a cru que la nature, on pouvait puiser comme ça éternellement, et qu'aujourd'hui, elle trouve ses limites. Vous savez, on a le jour... qui était en juillet cette année, c'est-à-dire c'est le jour où on a consommé tout ce que la planète pouvait nous offrir, et en général, c'est à la moitié de l'année qu'on a tout épuisé, et donc on ampute sur la capacité des générations futures à avoir également les mêmes services. Mais c'est par cet argument... aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience et de l'action politique et du monde économique. On a lancé il y a une action qui s'appelait Act for Nature, où ce sont du coup les entreprises et qui ont des actions internationales et de grosses entreprises qui s'engagent à prendre des politiques internes en matière de lutte contre la perte de l'érosion de la biodiversité. On a des choses fortes, des exemples? Moi, je me suis rendu compte, et avec étonnement, que pour beaucoup de chefs d'entreprise et du monde économique, c'était une question accessoire et qu'ils n'avaient déjà, juste à ce stade, pas du tout fait le lien de la dépendance qui était la leur et de leur modèle économique aux ressources naturelles. C'est-à-dire, quand on parle biodiversité, pour beaucoup... Chez Total, quand même, peut-être. Même pas tant que ça, finalement. Ou en tout cas, il y a cette volonté de pérenniser un système. Et la biodiversité, c'est les espèces sauvages, c'est la belle nature. Alors qu'on parle du vivant. Et on a, du coup, depuis une dizaine d'années, réussi à introduire l'idée que préserver la nature dite ordinaire, quotidienne, est importante. Ce qui n'était pas du tout, il y a 10 ans encore, considéré... comme une priorité, comme un enjeu environnemental. Et la responsabilité commune, c'est comment on s'assure de la durabilité. C'est bien de penser les choses, et c'est un peu le travers à la fois du monde politique et économique aujourd'hui. Penser une stratégie à 5 ans, c'est pas soutenable, c'est pas viable, c'est pas responsable. Il faut réussir à se projeter, et en tout cas au moins à une génération, c'est-à-dire avoir des plans de développement à 20, 30, 40 ans. Est-ce que pour vous, l'engagement politique est essentiel pour faire avancer les choses ? Oui. Et parce que déjà, je fais une grande différence entre l'engagement politicien et l'engagement politique. La politique, c'est s'engager dans la vie de la cité.

Ayant été directrice à l'AS Nature et France Nature Environnement, on touchait à beaucoup de sujets, des déchets, à la préservation de l'eau, à des sites Natura 2000. Donc ça, j'étais assez familière et j'ai pas été dépaysée quand je suis arrivée au Parlement européen. Et donc je suis arrivée au Parlement européen avec la méthode qui était celle d'une associative. J'avais plus de moyens financiers qu'en association. On pourrait mettre les pieds dans le plat. Donc ça a été pour moi un vrai bonheur, parce que j'ai pu réaliser des choses que je rêvais de pouvoir faire en termes de sensibilisation, de conférences, d'événements, qu'on ne pouvait pas faire avec France Nature Environnement, que je ne pourrais pas faire aujourd'hui avec Humanité et Biodiversité. Donc la question financière, déjà, d'une part, on dispose de beaucoup plus de moyens pour faire, et puis d'une écoute, en effet. Alors paradoxalement, alors que mon discours était le même, j'ai potentiellement et au début perdu de l'écoute du citoyen qui a cette méfiance du politique. Je disais exactement la même chose qu'en tant que dirigeante associative, mais à partir du moment où j'avais la casquette de députée européenne et politique, j'étais quasiment moins crédible. Par contre, évidemment, par rapport aux décideurs, on a une écoute qui est renforcée parce qu'on participe au vote des lois européennes, hein, donc des directives et des règlements, parce que on participe à leur rédaction. On travaille, j'ai été députée européenne sans cumul de mandat, et je me demande d'ailleurs comment font ceux qui cumulent. Et moi, ça m'a permis de faire avancer un certain nombre de dossiers sur la biodiversité dans le cadre de conférences internationales avec des positions du Parlement européen qui ont été reconnues comme très ambitieuses. Ça m'a permis de faire voter un règlement donc d'application directe en première lecture suite à Nagoya sur un sujet important qui est la réglementation de l'accès et le partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques, en d'autres termes, la fin de la biopiraterie. Donc vous voyez, comme je l'aurais fait en tant qu'associative, mais là, oui, en effet, au cœur de l'institution, on peut obtenir peut-être, très certainement, oui, plus de résultats. J'invite l'ensemble de vos auditeurs et les jeunes à s'engager. Alors s'engager, ça peut commencer par une adhésion dans une association. Ensuite, de s'engager peut-être un peu plus sur les dossiers au sein de cette association. Ensuite, le premier engagement en politique, excusez-moi de le rappeler, mais c'est d'aller voter. Et les responsables politiques regardent là où le poids et puis pour pouvoir ensuite peser dans les institutions, il faut pouvoir avoir des élus. Et puis enfin, s'engager. Et puis l'engagement, c'est pas forcément et tout de suite ce qu'on voit beaucoup, l'Assemblée nationale, etc. Mais de s'engager dans un conseil municipal, c'est aussi un très très bel engagement. On oublie que l'engagement politique, c'est aussi des milliers de conseillers municipaux dans des petites communes rurales, des maires. Et ça, c'est vraiment dommage aussi qu'on n'en parle pas suffisamment. Et bien sûr qu'il y a eu des moments où, même si on n'a pas trop le temps quand on est dans l'action, de se poser la question. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que tout ça vaut vraiment le coup ? Le moment où j'ai eu le plus le temps d'y réfléchir et qui a été le plus douloureux, c'est en 2014, quand mes concitoyens ne m'ont pas redonné la confiance et pour repartir au Parlement européen et que le Front National est arrivé en tête sur la grande région Grand Est. Hein. Et forcément, c'est aussi des moments où on se dit, mais où est-ce que je vais être la plus utile et comment trouver encore l'énergie et la force de continuer? Parce que quand on a pris conscience des relations du vivant et de cette chaîne, hein, de ces enjeux liés à la biodiversité, au dérèglement climatique, c'est plus possible de ne rien faire. On peut pas vivre en étant bien, en ayant conscience que le modèle qui est aujourd'hui le nôtre, économique et de développement, nous emmène droit dans le mur. Nous, on commence déjà à subir ces conséquences. Donc on peut pas rester inactif. Donc après, comme je vous le disais, c'est des questions qui sont personnelles et individuelles. Personne qui se dit mais c'est les petits pas et puis ça sert à rien, etc. Oui, ça prend du temps. Et puis on avance petit à petit et ça bouge pas et ça bouge pas assez vite et tout ce qu'on fait. Mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Et moi, je crois que plus on sera nombreux, plus on arrivera à faire corps, se mobiliser, à se fédérer, à montrer qu'on fait nombre, qu'on fait poids, plus les choses s'accéléreront et iront plus vite. C'est ce qu'a dit Nicolas. Il a dit « je me sens seule ». Ce qui signifie qu'il y a un moment, il faut se faire entendre. Et c'est pour ça que j'invite vos auditeurs et auditrices à adhérer dans les associations. Faites nombre, allez voter, faites corps. Chaque action individuelle est hyper importante au quotidien. Mais il y a un moment, il faut qu'on voit que c'est aujourd'hui une mobilisation générale. Donc chaque action au quotidien, chaque action individuelle, mais le collectif est hyper important. Quand vous avez été donc députée européenne de 2009 à 2014, vous êtes notamment illustrée par la reconnaissance au niveau européen et international du principe de bioconditionnalité des financements publics. C'est quoi ? Alors, c'est reconnu au niveau européen, c'est reconnu au niveau mondial. On a encore un énorme chemin à faire pour le mettre en application. C'est la bioconditionnalité des aides publiques, c'est supprimer toutes les subventions publiques qui sont aujourd'hui néfastes à la biodiversité. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, qu'aujourd'hui, on subventionne le gasoil pour les navires dans le domaine de la pêche. Alors, en quoi ça a un impact négatif sur la biodiversité ? Bah, tout simplement parce que les navires de pêche, les gros navires de pêche, payent moins cher l'essence que le consommateur qui va en mettre dans sa voiture. Et donc ça lui permet d'aller plus loin, donc de pêcher plus et d'avoir cet impact sur la ressource halieutique et sur le nombre des poissons. Et on a un certain nombre de subventions aujourd'hui, c'est les subventions à l'agriculture. Demain, on réoriente, on prend conscience que subventionner l'agriculture chimique, et notamment l'usage des pesticides, et puis on décide, avec la politique agricole commune, de favoriser et donc de davantage aider financièrement l'agriculture biologique, les paysans et agriculteurs qui permettent les services écosystémiques. Vous voyez, c'est une réorientation en fait de subventions publiques pour la biodiversité qui accompagnerait la biodiversité, alors qu'aujourd'hui on finance des activités qui foutent en l'air la biodiversité. Et la bioconditionnalité des aides publiques, c'est cette règle-là. Alors forcément, vous imaginez aussi. C'est pas très très bien appliqué, parce que en agriculture, on a quand même par exemple le maïs irrigué qui est plus subventionné, que on touche plus d'aide à irriguer son maïs qu'à ne pas l'irriguer quand même. Non, mais je vais reconnaître que là, c'est malheureusement, le principe est reconnu, la mise en application n'existe pas encore. Alors, vos auditeurs pourraient se dire, en fait, ça sert à rien encore. Oui, mais en fait, il faut cranter. Et c'est vrai qu'on peut se dire, alors à quoi il sert ce principe ? Aujourd'hui, il est acté. Donc, ça fait 8 ans, mais on va en reparler, qu'on discute sur son application. Donc, il y a un rapport qui a été fait en France par Guillaume Saint-Denis, qui a listé, en fait, tous les financements aujourd'hui qui bénéficient, financements publics qui nuisent à l'environnement et à la biodiversité. Et toutes les niches fiscales. Et après, il faut prendre des décisions. Alors, moi, on m'a souvent rétorqué, lors du travail qu'on fait, là, on travaille avec Humanité et Biodiversité sur les projets de loi de finances, que devant chaque niche fiscale, il y avait un chien. Qui est l'image que, vous voyez, c'est des petits cadeaux qui ont été faits au fil du temps à des secteurs industriels, à des secteurs économiques et sur lesquels il est très difficile de revenir. Mais on lâche rien, parce que c'est un principe qui a été reconnu, qui a été ensuite reconnu à Nagoya, donc à l'échelle internationale. Et moi, je trouve que c'est... Quand je parle aux responsables politiques, puisqu'on nous dit souvent « l'écologie, c'est des taxes, ça coûte de l'argent, etc. » Là, en l'occurrence, je leur dis « Mais vous vous rendez compte, c'est super ce qu'on vous propose. Ça va. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la biodiversité, c'est des économies dans le budget de l'État. C'est-à-dire, vous arrêtez de donner de l'argent à des activités qui détruisent la biodiversité ou qui nuisent à l'environnement. Donc, allez-y, soyez courageux, faites-le. Personne ne vous reprochera, aucun citoyen ne vous reprochera, sauf les secteurs concernés, de participer à renflouer un petit peu le budget, à faire des économies sur le budget, ce qu'on peut réaffecter ailleurs, et puis à assurer de réduire les impacts sur l'environnement et sur la nature. Alors, vous avez soutenu les salariés d'ArcelorMittal à Florange. Quel est votre point de vue sur ce lien entre industrie lourde, polluante, qui pourrait paraître de notre âge, et l'écologie ? Alors, ça peut paraître surprenant, mais la question de la réindustrialisation de l'Europe, c'est le groupe des Verts européens qui l'a porté. C'est lié à cette crise de la sidérurgie qui n'a pas touché que Florange, puisqu'à la même époque, la crise touchait les salariés de la sidérurgie au Luxembourg, en Belgique, en Espagne. Et oui, on dit, mais pourquoi les écologistes là-dessus ? Bah parce que le secteur industriel, même dans la transition écologique, on en aura besoin. Et l'enjeu qu'il y avait derrière la défense de ce secteur industriel, et notamment, nous ne sommes pas que des environnementalistes, c'est un modèle de société que nous défendons. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi, et en Europe, et notamment sur le site de Lorraine, à développer un acier de très très haute qualité. Donc on perdait en qualité, d'une part. Parce que la Chine et l'Inde ne respectent pas les mêmes règles sociales et de respect du travail de leurs salariés, et que ça fait aussi partie des valeurs qu'on doit défendre à l'échelle de l'Union européenne et des valeurs des écologistes. Et puis enfin, réduire notre empreinte écologique, c'est aussi, si on doit alimenter l'industrie automobile en Allemagne et en France d'acier, traverser la France à l'Allemagne ou faire venir d'Inde et de Chine, il y a un impact écologique qui est beaucoup plus important. Donc c'est la raison pour laquelle, avec le groupe des Verts européens, on s'est saisi de cette question, on s'est saisi de la question de la réindustrialisation et de sauver notre industrie et même l'industrie lourde à l'échelle de l'Union européenne. Et vous parliez d'industrie lourde, polluante, etc. Là aussi, la technologie, on l'a sur le territoire européen. Donc on a aussi cette capacité à être émetteur de polluants et de CO2, etc., beaucoup moins important, avec des règles de protection et des exigences beaucoup plus strictes que celles qui s'appliquent encore en Inde et en Chine. Et certains vous diront quand même que c'est bien de vouloir industrialiser l'Europe, mais la France, dès qu'un nouveau projet arrive, d'une nouvelle industrie, dans un coin de France, vous avez quand même souvent les écologistes les premiers, des associations comme FNE qui vont se battre contre un projet industriel. On a vu, c'était sur le territoire alsacien, il y avait des projets de centres d'enfouissement technique, mais un peu partout, mais sans réflexion globale, de savoir comment on pouvait faire mieux, et plutôt que d'avoir quatre centres d'enfouissement technique de déchets, parce que chacune des communes voulait son centre d'enfouissement parce que ça rapportait une masse fiscale qui pouvait être intéressante, sans se poser la question de la qualité des sols, sans se poser la question de comment on réhabilitait les anciennes décharges, sans se poser la question des infrastructures, qu'elles soient routières ou ferroviaires, pour réapprovisionner, donc du coût transport et du coût de l'empreinte carbone que ça présentait dans le transport des déchets. En fait, c'est ça. Souvent, les associations de terrain s'opposent à des projets parce qu'ils ne sont pas pensés dans une globalité. Ce que demandent les associations environnementalistes et les écologistes, c'est d'avoir une vision de développement qui soit totalement intégrée et qui prenne en considération l'ensemble des enjeux et à long terme. Et si on proposait un plan global, pensé, je pense que les gens adhéraient aux choses plutôt que s'y opposer. Et ça amène aussi à... Moi, c'est un autre de mes sujets, une autre de mes marottes, qui est la question de la gouvernance et de la démocratie. Ça, on a beaucoup de progrès à faire en France, hein, de revoir la gouvernance en termes de construction de plans et programmes, en termes de prise de décision du politique. Bien sûr qu'à la fin, il faut qu'il y ait une décision, mais il faut qu'on change aussi ces modèles de concertation où c'est des concertations un peu bidons. Moi, je l'ai vu, et même là, on a des concertations obligatoires et sur un certain nombre de projets de décrets, de règlements, de projets de loi, ne serait-ce que sur le plan national biodiversité, c'était fantastique. Il y a eu presque 800 contributions au plan national biodiversité, la consultation était finie, et 15 jours plus tard, on nous sortait le plan, mais j'ai encore énormément de doutes sur le fait que toutes les contributions aient été réellement traitées, intégrées. Et c'est ça, ça doit changer. Il faut prendre le temps de la planification à l'échelle d'une région. Il faut prendre le temps de la décision, d'associer l'ensemble des acteurs environnementaux, sociaux, économiques, et de co-construire les décisions. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'acceptation quand on est dans la co-construction. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'acceptabilité quand on est dans le dialogue, que les uns et les autres peuvent entendre et comprendre les enjeux et les contraintes réciproques. C'est tout ça qui nous manque encore beaucoup aujourd'hui. Merci. Un mot de la fin, Sandrine Bélier. Ben, je vous remercie. Et le mot de la fin, ce serait engagez-vous. Engagez-vous. Ça vaut. Moi, je suis une optimiste active, hein, donc je ne me contente pas d'être optimiste. Il faut se bouger, il faut s'engager, il faut faire. Avec à chaque échelle de territoire, faites au quotidien et chez vous, si vous n'avez pas trop le temps, adhérez à une association. Allez voter, faites un oasis nature, engagez-vous. Merci Sandrine Bélier, au revoir. Au revoir. C'était l'ours et la carotte. écoutable sur Internet. Remember.